Hey, je suis là. Pourquoi il y a des effets sur moi? Hey, je suis là. Pourquoi je suis là? J'ai un cordon qui fait du bruit. Et ça? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Ouais. I have a great album a cappella in Deutsch. Wait, let me search it. Insert virtual instruments. Wait a minute, a cappella. Yeah, I got it. Wait a minute. I want to Minimoog. Wait, I got a great German a cappella. Wait. With all tracks. Come. Yalla. Nah, suka bleed and nah. And then a 1, 2, 3, 4, motherfucker, let's go. Alle Drage, drauf. Verteilt und verstanden. Alle verballert. Drauf. Alle Schlage. Oh, yes. I fucked it up. Alle Drage. Drauf. Verpeilt und verschadet. Alle verballert. Drauf. Bille, alle. Alle. Drauf. Verpeilt und verschadet. Alle verballert. Drauf. Auf geht's, ab. Geht's 3 Tage wach, nächste Party kommt bestimmt 3 Tage wach. After Hour, volle Hour, 3 Tage wach. 3 Tage wach, jetzt wirst du langsam schwach. Volle Kanne, Einwurf, 3 Tage wach. Paniert und Ding-Dong-Ding-Dong, 3 Tage wach. Bunte Pillen, Fete, 3 Tage wach. Puls wie ne Rakete, 3 Tage wach. Punkt, komm mal klar, 3 Tage wach. Du warst gestern auch schon da, 3 Tage wach. Spieglein an der Wand, wer ist 3 Tage wach? Du und deine Oma sind 3 Tage wach. Nase voll, Pimmel schrumpft, 3 Tage wach. Essen, Buch, schlafen, Buch, 3 Tage wach. Banane in der Birne, 3 Tage wach. Voller Buden, Birne. So I need to re-sync it when I have the time. I'm not this drunk. Mommy! Mommy! got blunt, got weed. Come on, guys. Let's go. Don't be shy. Express yourself. I've been making music on my own for 20 years. I'm done with my own ideas. Please play music. I beg you. Allahu Akbar. Inshallah. Alhamdulillah. F minor, Frederick minor. This is the Frederick, ne? This is the alter Frederick. This is voll geil, offen Klassen, Alter. Thank you. I'll be right back. I need to do something on the stream. I'll be right back, guys. Mais c'est bizarre que j'ai une voix comme ça. Are you ready? I sing something. Bye bye, see you later. See you later, my friend. Bye bye. Merci, messieurs. Bye bye. Merci, merci, merci. Salut. Y'a pas de problème. Y'a pas de problème. De rien. Bravo. je suis là, à côté de toi. Je te regarde dans ton écran et je te vois avec tous tes instruments. Y'a pas de problème, ça fonctionne. Ça marche, tu m'entends? Ouais, tu me vois, tu m'entends? Oh, oui, merci, monsieur. Oui, merci, monsieur. N'a pas de problème. N'a pas de problème. Oui, monsieur. Merci, merci, merci, merci, merci, merci. Tu me vois? Ici. N'a pas de problème. Merci, merci, merci. C'était pour tester. Ça fonctionne bien. Check. Let's go slower. Slower BPM please. Slower. Donc tu as compris. 90. Tu comprends pas le français du tout toi. Let's go slower. 90 BPM please. Let's go slower. Hey, one more vote. Please, one guy go 90 BPM. Thank you. A bientôt. Je dois partir. Je m'en vais. Ouais. Ça fonctionne. Make something nice. There are multiple people listening on the stream. Hey musicians, listen. I made a stream server. Yes. So there are multiple people listening to this. If you have a camera, please come to the link I told you. Come to this link, put your camera on. If you don't feel comfortable with your face, just put the camera on your instrument. Two cameras are better than one. For me, it's good. You know, I'm gonna stream all night. Mais ils sont timides. So please, if you have a camera, just put it on the instrument. We don't need your face if you don't feel... We don't need your face if you come. Don't feel... Attends. What? If you come to this Video Ninja... Ils sont timides. Sont timides. Il est où le public? 458. Non, number of open connection. 2. Et là, il y avait un chat sur le channel. Try on Jataba. Hey guys, let's make a new groove. We are live. We are hot. There are multiple people.